tous ces rêves que je chérissais, tous ces espoirs qui m'étourdissaient, cet horizon qui se profilait en une éternité. Tous ces émois qui me traversaient, tous ces mondes que je désirais, toutes ces histoires dont je m'enivrais pour mon éternité. Tous ces baisers à peine goûtés, toutes ces étreintes perdues à jamais, tous ces désirs éteints sur le quai de mon éternité. Se déposeront-ils sur d'autres cœurs? Garderont-ils la même vigueur? Vivront-ils imprégnés des couleurs de mon éternité? Si beaux rêves ont droit de jouer, si grands espoirs ont droit de gagner dans l'incommensurable échiquier de notre éternité. Tous ces visages que je ne connais pas, tous ces voyages que je ne ferai pas, tous ces mondes que je ne verrai pas de mon éternité. Toutes ces dérives qui me mènent loin de ma rencontre avec le divin, les sépultures voilées dans le sein de notre éternité. Se perdront-elles dans l'obscurité et seront-elles enfin décimées pour que le monde puisse alors aimer toute son humanité? Que si beaux rêves puissent l'emporter et beaux espoirs puissent exister dans l'incommensurable échiquier qu'est notre éternité. Tous ces amours manqués de si peu, tous ces élans devenus peureux, tous ces bons jours devenus adieu pour mon éternité. Tous mes frères qui me sont absents, tous mes voyages restés en suspens, tous ces mondes dont je rêvais tant dans mon éternité.